Tout les gens. Par vigilance. Merci beaucoup. On va prendre les cadres. Généralement, qu'est-ce qui faudrait comprendre, de par ce travail, le clinicien, s'il veut établir une réelle pharmacovigilance, eh ben, il aura en but un but préventif. Il ne peut pas prévoir. C'est tout simplement en essayant, quand il donne un traitement, sachant que c'est une molécule qui est à risque, soit c'est une molécule qui est liste A, soit que c'est une molécule qui propose des caractéristiques immunogènes, qui peuvent provoquer des allergies, eh bien, il peut déjà préparer son malade en lui disant, voilà, si vous avez tel ou tel signe, il ne peut pas apparaître obligatoirement, mais il pourrait. La pharmacovigilance est quelque chose que vous extrapolez dans le futur, donc de ce fait, c'est un acte qui est préventif pour minimiser le risque d'accident, d'échec thérapeutique. On est d'accord ? Vous notez cette page. Rappelez-vous, détecter, valider, quantifier et comprendre. Et je dis comprendre, j'ai bien mis le terme essayer. C'est pas toujours facile. Essayer de comprendre. Donc détecter les effets adverses, vous trouverez également ce mot qui existe aussi bien en français que. Mais c'est un terme qui a cheval en anglo-saxon. Effets adverses, c'est les effets secondaires. Ça sous-entend aussi bien effets secondaires indésirables que effets latéraux. Voilà. Donc détecter les effets adverses, valider ces effets, et j'ai bien mis ces effets qui soient prévisibles ou imprévisibles. Quantifier leur importance, on va voir comment. On valide avant de quantifier. Non, on peut quantifier. Quantifier, si on valide, il faut d'abord valider. Bon, cette chose existe. Si elle existe, vous allez faire le compte. Si elle n'existe pas, vous n'allez pas la compter. Comment on peut valider un effet imprévisible? Vous allez voir. Doucement. Pour parler plus vite de la musique. Et en dernier, essayer. Je dis bien essayer de comprendre. Donc, en finalité, la pharmacovigilance a un rôle très important. National de pharmacovigilance qui était installé à Badouel, qui maintenant a déménagé et à l'Institut Pasteur, donc c'est IASAN. Si vous tapez sur Internet, le Centre National, vous avez le numéro, et vous pouvez avoir les informations que vous voulez. Et en dernier, maintenant, c'est l'OMS, c'est l'organisation. Pourquoi il y a cet escalier? Demain, si on veut mettre en cause une molécule, il faut commencer par ce qu'on appelle le régional. Le régional transmet au national. Le national transmet à la tutelle. D'accord? Maintenant, si c'est un problème qui est propre, par exemple, c'est un générique, le ministère est de droit d'arrêter ou d'enlever de la nomenclature ce médicament, parce qu'il n'est pas adapté à la population algérienne. D'accord? Ça se trouve. Maintenant, si ce problème est extrapolé à l'échelle nationale, comme certaines molécules sont retirées, on en parle. Par exemple, des médicaments à base de noradrénaline, comme la glaphénine qui a été supprimée. La glaphénine était donnée pour les maux de dents, etc. Et bien, ça relève carrément d'une décision de l'OMS. Parce que c'est de l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, c'est des milliards. Demander à quelqu'un de se battre sur le plan d'avocat pour dire que l'un a raison et l'autre à tort, il faudrait une forte institution. Là, la forte institution, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a le droit d'arrêter l'AMM, de supprimer l'AMM de telle molécule. D'accord? S'il y a un effet secondaire exagéré, qui a provoqué des effets nocifs. D'accord? Nuisible, on peut tolérer. Nocif, non. S'il était nuisible et qu'il n'était pas déclaré, on l'oblige à changer les indications. D'accord? Mais s'il est nocif, il doit être retiré carrément de l'alimentation. Cela que les partenaires, là j'insiste, il ne faudrait pas être plus royaliste que le roi, mais moi je vous dis tout simplement que, déjà, là, s'il y a une relation médecin-patient, c'est déjà pas mal. J'étais en train d'écouter ce matin un directeur de la santé au ministère de la Santé, d'accord, qui parlait, il disait que maintenant il faut arrêter à former trop de spécialistes. Il faudrait plutôt former des généralistes. Pourquoi? C'est pour revenir à la santé de proximité et revenir à ce qu'on sait vrai, ce qu'on avait longtemps. Là, il y avait le médecin de famille. C'est-à-dire que c'est le médecin de l'environnement, parce qu'il ne faudrait pas traiter que le malade. Et bien, chaque malade a un environnement. Ce que je dis toujours dans les cours, il a ses particularités dans son environnement qui ne sont pas les mêmes que celui d'Alger. Déjà. Les gens de l'Est et du Ouest, on parle la même problématique. Ne serait-ce que pour vous dire sur le plan alimentaire. Alors les gens du Sud, c'est la même chose. Et donc il y a cette problématique. Donc pour soigner, tenir compte de tout ce qu'il y a autour et ne pas focaliser uniquement sur la pathologie. Il y a d'autres paramètres qu'on peut traiter sans pour autant utiliser beaucoup de médicaments. D'accord ? La même donc. Avant de noter, généralement, on ne peut pas avoir un effet thérapeutique sans effet secondaire. Donc les effets indésirables, c'est une réalité. On est bien d'accord. Mais du moment où c'est une réalité, il faudrait quoi? Et bien, il faudrait tout simplement l'imputer. On va dire tout cela. C'est-à-dire démontrer que c'est réel. Mais il faudrait la démontrer. Même sur le plan de justice. D'accord? Quand devant un juge ou un procureur, quand vous dites que Rouen, il m'a agressé, d'accord, c'est pas à lui de se défendre contre dire que c'est plusieurs. C'est à moi de prouver, parce que il, tout présumé est considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, c'est à la partie civile de demander que la personne attend, même si elle est d'accord. Mais c'est à nous, à la personne de demander. Donc c'est à nous de démontrer qu'il y a une imputation qui dit que ce médicament est réellement responsable de cet effet, ce qui a provoqué cet effet secondaire. D'accord ? Donc c'est deux éléments sur lesquels j'insiste. Donc vous notez que les effets indésirables sont une réalité, les effets indésirables. Si demain, il y a une réalité, si vous avez par exemple dans la famille des anciens médecins, vous êtes des pharmaciens, posez-vous la question. Parfois, ils attendent la direction de la santé, ils envoient un email Retirer la molécule. C'est ça, l'information. Retirer la molécule. Sans pour autant qu'on précise le pourquoi. La problématique demain, même pour vous, là, pour le pharmacien, si le malade, pourquoi vous l'appelez, vous êtes rappelé que vous avez prescrit et vous demandez à votre infirmière d'appeler le malade. Là, il faut que, avec le médicament, il faut le rendre à la pharmacie. Si vous posez la question, pourquoi, vous ne pouvez pas répondre dans l'immédiat. Parce qu'il ne donne pas l'information. Dans la pharmacie, la même chose. Retirer un quota alors qu'il n'y a pas de traçabilité. Il en a vendu 10. À qui ? Surtout si ce sont des ordonnances classiques ou la sans ordonnance. Et de ce fait, il ne peut même pas conniger au il peut pas l'appeler telle molécule que je vais acheter avec. Il va pas, tout ce qu'il peut répondre, c'est dire je le package. D'accord ? Si c'est lui qui est dans la pharmacie. Ça, c'est un autre problème. Si c'est le vendeur, il n'est pas au courant. Ça continue d'être vendu. D'accord ? Donc il y a cette réalité. Le plus important, c'est cette relation. Beaucoup plus important, c'est le clinicien malade. Ça, c'est plus important. C'est ça. Parce que là, je dis que des cabinets vendent des effets secondaires, on n'en échappe pas, c'est une réalité. Quand ils sont en contact camarade nuisibles, on peut y pallier. Le plus important, c'est quand ils sont nuisibles. Et on va voir vers la fin, dans la conclusion, quelles sont les particularités là où vous devez mettre le doigt dessus. Donc, ils sont une réalité et doivent de ce fait être imputés. Ils doivent être imputés, c'est le verbe. Imputabilité, imputé, c'est le verbe. Je vais définir ce que c'est. Et donc, c'est la première chose. Que je ne vous demande pas, s'il vous plaît, de dire ce qu'il y a en haut. En haut, c'est ce qui tout simplement, c'est la étymologie. Imputation vient d'un mot, généralement, c'est attribuable. Imputable, c'est une data imputable qui signifie pour ça la chose la plus élémentaire, je ne sais pas si c'est oublié, c'est porter au compte de quelqu'un. C'est-à-dire que si vous avez une carte d'identité, dans votre carte d'identité, il y a un numéro. Et bien ce numéro est imputé à Flem. Vous ne pouvez pas avoir le même numéro. D'accord ? Vous prenez votre chèque CCP, il y a un numéro. Ce chèque, ce numéro de CCP est imputé et porté au nom de X et non de Y. Parce que quand on fait rentrer le numéro de CCP. Donc il est imputé à quelqu'un. On ne peut pas le mettre à deux. D'accord ? Quand on veut définir un effet secondaire, il faudrait l'imputer à un médicament, tout en sachant que c'est complexe, parce qu'il est rare qu'un malade prenne la monothérapie. Donc ça devient un peu. C'est pour ça qu'il faut être le plus proche de la réalité. Et en dit quoi, sur la définition, comme je dis, réalité est une réalité et doit être imputée, et l'imputabilité est l'évaluation clinique. C'est une évaluation clinique. Pardon. Systématique, d'un lien causal, je mets toujours au subjonctif. Susceptible, qui existe, même si elle est proche, susceptible, probable, vous deux, non, susceptible d'exister entre un événement, entre un effet indésirable et l'administration d'un médicament. C'est établir ce lien et dire que probablement cet effet secondaire a été provoqué par ce médicament. D'accord ? Ou l'inverse. Que ce médicament a provoqué probablement cet effet secondaire. Vous allez voir mieux quand on parlera d'exemple. Vous notez que, en tant que vigilance, vous avez dit réalité, imputabilité, en continu. L'imputabilité est l'évaluation clinique. C'est une évaluation qui n'est pas clinique parce qu'elle fait appel à la sémiologie. Du lien causal. Susceptible d'exister entre un effet indésirable ou un chagrin indésirable. Pourquoi il dit un événement indésirable ? Pour ça, la définition du événement indésirable. Pourquoi événement ? Pourquoi très bien, pourquoi pas événement ? Pardon ? Oui, il y a plusieurs effets. Oui, mais ça peut être aussi bien un truc secondaire indésirable, mais également. Merci beaucoup avec sa partialité latérale. Même l'effet latéral, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas primaire. Voilà, un événement. On peut, il peut ne pas nous déranger, mais c'est un événement autre. D'accord ? Je vous ai donné des exemples quand on prend les antihistaminiques. Vous prenez le Rubafem, ça donne un état de somnolence, mais ça ne l'arrache pas. Ça fait dormir, mais c'est considéré quand même comme un événement indésirable. Dans certains cas, chez certains sujets, donc c'est considéré comme autre qu'un effet primaire. Je l'ai dit et redis que pour faire, et on va aller de plus en plus au fond du problème, c'est que imputer et décrire, et c'est ce que j'avais. Donc, ça, vous allez me dire, pour faire une démarche. Avant de noter, s'il vous plaît, pour faire une démarche d'imputabilité, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Pour établir ce lien de causalité, vous avez deux. On revient, vous avez détecté, vous avez quantifié, en lien pour valider. La validité se fait par deux types. Il y a des critères de diagnostic et il y a des données bibliographiques. C'est ce qu'on va voir, les deux, comment essayer de valider. Donc vous notez, la démarche. Pour établir un lien de causalité nécessaire. Pour établir un lien de causalité et réaliser la démarche qui est réalisée, la démarche qui est réalisée par des critères de diagnostic. Il y a des gens qui ont très mal dormi. Je vois une bonne partie de la contrôle. Si on se garde, vous savez pas quel contrôle. Dana. Alors pourquoi vous n'avez pas fait comprendre ce que vous allez refaire ? Donc, un collègue. Donc, arrêtez de bailler si vous voulez, parce que c'est contagieux. La démarche ? Ça, c'est quelque chose. Il faudrait qu'on comprenne un phénomène. Dormir peu, c'est bailler. Trop dormir, c'est bailler. Donc, on établit sur deux les critères de diagnostic, c'est pour ça, je reviens aux critères diagnostiques et les données bibliographiques. Les données bibliographiques ne sont pas des critères cliniques. Vous allez voir la part des choses entre les critères diagnostiques et les données bibliographiques. Ça, c'est pas à prendre, vous allez voir. Je résume. Dans les critères de diagnostic, il y a quoi ? Il y a des études sérologiques, des études chronologiques, c'est-à-dire se poser la question, quel est le délai d'apparition d'un effet ? Quelle est l'évolution de cet effet ? Et quelle est l'évolution après arrêt ? Et après, vous allez voir. Quelles sont les confirmations par un clinique, c'est-à-dire pour confirmer cette effet secondaire ? Des examens autres que cliniques. Donc, est-ce qu'on peut s'aider par des données para, de biologie, radiologique et exploratrice pour... Sinon, il y a un élément qui est indispensable, c'est de commencer également vers la fin, c'est d'éliminer le diagnostic. C'est-à-dire que dire que cet effet secondaire n'est pas dû aux médicaments, mais plutôt c'est un effet exagéré de la pathologie. Donc là, c'est une pathologie associée qu'on n'a pas. D'accord ? Ça, les critères de diagnostic. Et on commence là par. D'accord ? Premièrement, c'est les critères sémiologiques. Comment on fait les critères sémiologiques ? J'ai dit qu'il fallait, ne vous perdez pas s'il vous plaît, j'ai dit que l'imputation se faisait par des critères de diagnostic et par des données bibliographiques. On est en train de voir c'est quoi les critères. Diagnostic. Le premier critère, diagnostic, c'est le critère sémiologique. C'est-à-dire quoi ? Avant de noter ces questions. C'est d'abord pour maîtriser. Vous avez deux éléments. Avant de. D'abord que vous soyez sûr, je m'excuse de mettre le couteau dans la plaie pour parler de physiopathe, mais de dire, de maîtriser qui est pathologie et qui est physiopathologie. Pour cela, il y a un dysfonctionnement, vous avez identifié. Et vous avez ramené quoi ? Vous avez ramené un médicament. Mais pour cela, il faudrait maîtriser votre physiopathe et ramener votre médicament pour dire que ce médicament va venir corriger. Il faut comprendre. Est-ce que c'est une thérapie qui peut être curative ou palliative ? C'est tout. Il faudrait être sûr de ce que vous avez. Vous avez un dysfonctionnement, vous avez donné une molécule. Là, c'est s'assurer de la spécificité. D'accord ? Et à côté, ce que vous devez vous assurer, qu'il y a une étiologie. À quoi est due la pathologie ? Parce qu'elle peut avoir plusieurs facteurs. Pour écarter quoi? Qu'un facteur, d'accord, dire vous avez une insuffisance pulmonaire, vous avez donné une molécule à ce malade, et ce malade, hein, dès qu'il a pris, il a eu des apnées, une apnée. Il faut vous assurer que votre malade d'abord, si je dis étiologie, d'abord, c'est quelle question vous allez vous poser. C'est plus simple. Élémentaire. Atteinte respiratoire. Hein? Que vous pouvez. D'abord, parce que ce n'est pas un fumeur. Ça, c'est une toute merde. À côté, il fume. Qu'est-ce qu'il peut avoir? La question. Qu'il peut être en rapport avec les pathologies pulmonaires. Non. N'oubliez pas tout ce qui est environnement. Avant d'aller au fond. Au fond, c'est le mécanisme. Pas les étiologies. Très bien. Où est-ce que vous habitez? Merci beaucoup pour le poste de travail. Ils peuvent travailler dans une cimenterie. Reste des carrières. D'accord? Est-ce que vous pouvez d'abord écarter cette possibilité de cette personne? Parce qu'un fumeur, d'accord? Si peut-être qu'il habite dans un endroit encore qui peut faire ce qu'il faut, genre de crise asthmatique par maléchique, c'est pour ça qu'il fait des apnées, d'accord? Et faire également de bonnes questions. Tout ce qui peut se rapporter avant d'aller dire que peut-être qu'il a fait. Il est en train de faire une pneumonie. Voir tout ce que vous pouvez écarter, au moins de les avoir. Quand c'est un jeu de cartes, alors elle avait dit, elle avait dit, pensez à ce que vous comprenez. Ça, c'est à force de trop d'ordre. Quand vous avez une atteinte pulmonaire, d'accord? Bien sûr, j'ai dit, ce sont des critères sémiologiques. C'est de les comprendre, d'abord. Il faudrait d'abord que vous les ayez pour pouvoir dire que vous avez choisi un médicament selon un mécanisme d'action en tenant compte de l'environnement. Si l'effet secondaire apparaît, essayez de voir est-ce qu'il peut être attribuable à une étiologie avant de dire, ah non, c'est le médicament. Il faut d'abord se donner un peu de recul avant de dire qu'un autre, c'est le médicament. Le médicament, on le laisse en dernier. D'abord, il faut écarter ce que vous pouvez maîtriser vous-même. Maîtriser, c'est la clinique, le choix thérapeutique et l'anamnèse, tout ce qui est à côté pour votre malade. Est-ce que vous êtes bien d'accord? Vous notez si vous voulez. Les critères sémiologiques. Et de déterminer, ne notez pas si j'ai besoin de ce que je dis. De déterminer la spécificité ou pas. Donc déterminer la spécificité ou pas par la connaissance des mécanismes. Par la connaissance physiopathologique de la maladie. Mais la connaissance également, et la connaissance, ou la maîtrise également, je ne sais pas si est-ce qu'il y a au moins pour la ventilée, c'est tout. Ah, c'est trois en un. Soit vous restez les trois, soit vous partez les trois. Alors, je dis trois, c'est la on va donc général. Donc, j'ai dit identifier, maîtrise les connaissances des mécanismes physiopathologiques de la maladie, ainsi que ses étiologies, mais également la connaissance du mode d'action. Connaissance du mode d'action des médicaments. la connaissance du mode d'action du médicament. C'est-à-dire que vous avez choisi une molécule pour traiter quelque chose que vous avez identifié. Ça, c'est les critères sémiologiques. Les critères chronologiques. Les critères chronologiques, avant de noter, vous allez, c'est simple à retenir, c'est de se poser la question. Vous avez un effet secondaire. Je vous demande si vous n'avez pas besoin d'apprendre. Donc vous avez un effet secondaire. Vous essayez de faire une imputabilité. C'est de poser la question. Est-ce que l'effet secondaire est apparu immédiatement après la prise? D'accord? Non, il n'est pas apparu immédiatement, il est apparu 3 jours après. On l'a parfois 3 mois après. Et vous allez voir comment on va imputer. C'est tout simplement de dire, est-ce que c'est vrai, ou là c'est douteux, ou là c'est exclu. Mais on va parler quelque chose de simple qu'on connaît tous. C'est de dire, j'ai donné mon traitement, d'accord, et mon effet secondaire est apparu 48 heures après. Est-ce que vous avez le droit de dire que cet effet secondaire est dû au médicament? Merci beaucoup. C'est d'abord, c'est le temps à demi. Et j'ai essayé de donner pas possible. Si le temps de demi-vie est long, on peut pas. On va dire, c'est pas possible. Parce que le temps n'est pas suffisamment assez pour laisser un état d'équilibre. Dire que le médicament est arrivé, il a 50 heures ou 60 heures, il faut au moins 5-6 jours pour qu'il ait fait secondaire. S'il apparaît 48 heures, si le temps de demi-vie est court, oui, vous allez dire que c'est probable par rapport à celui qui a un temps de demi-vie qui est long. Ça, c'est un exemple. On peut avoir plusieurs. Mais on tient compte de ça. On va dire comment apparaît, évolue et disparaît l'effet secondaire pour lors de l'administration. C'est-à-dire que vous avez donné le médicament, il y a un effet secondaire qui apparaît. Avec le temps, on tient compte d'une demi. Bon, on va dire au malade, vous allez dire à votre malade, écoutez, vous n'allez plus me prendre pendant une journée, parce qu'il était immédiat. Est-ce que l'effet secondaire va disparaître ou non? Si l'effet secondaire disparaît, après l'arrêt du traitement, vous allez dire comment? C'est dû au traitement. Hein? C'est dû au traitement. C'est probable que ce soit le médicament, on va dire le médicament. Donc c'est probable que ce soit le médicament, d'accord? Mais si l'effet secondaire ne disparaît pas immédiatement. Très bien. Il peut être, parce que un seul critère ne va pas, vous allez voir, ne va pas suffire. Il peut être. Qu'est-ce qu'il peut conclure en disant que c'est lui? Ça va dépendre de quoi? Si l'effet secondaire n'a pas disparu rapidement, il a duré un peu plus longtemps après l'arrêt du traitement. Vous l'avez arrêté et l'effet secondaire a duré pendant encore 48 heures. Hein? Sur le temps de demi-vie court, c'est pas la distribution. Plus simple. C'est un médicament qui va rester et qui va continuer à libération. Parce que vous avez arrêté, et c'est un médicament qui est à libération. Rangé à ce moment-là, le médicament, il n'est pas utilisé, il restera un peu plus longtemps pour se mettre. Donc c'est des questions, vous allez voir, ne vous embêtez pas avec ça, quand on fera des TD. Là, je vous demande tout simplement les questions qu'on se pose, auxquelles on va y répondre. Est-ce que l'effet secondaire, le délai d'apparition, est-ce qu'il est resté ou il a disparu après l'arrêt? On va comment va se refaire là, si on fait une réadmission. On demande au malade de le prendre, de le reprendre, d'accord? Et de voir, est-ce que cet effet a disparu? Tout simplement, on donne un exemple très simple. Certains malades, quand ils prennent certains antibiotiques, d'accord? Ils signalent toujours qu'ils ont des démangeaisons. Ça existe. Au niveau du cou. Pas que ça disparaît. On va qu'il ne le prend pas. Une part 6 mois après une année, il reprend. Et là, on pose la même question. Parfois, c'est des effets, des petits effets secondaires, qui sont dangereux, qui peuvent évoluer, c'est-à-dire que c'est un effet, une réaction d'hypersensibilité qui peut s'installer. Elle ne s'est pas manifestée le premier contact, le deuxième, mais le troisième contact, elle peut être brutale. Donc c'est un effet secondaire que vous pouvez valider. Vous avez déjà pu, est-ce que vous avez eu ça? Oui. Mais parfois, certains ne font pas attention quand ils ont des choses bénignes. Mais vous pouvez les valider. Vous êtes clinicien. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc c'est de poser la question, comment apparaît et vous différez la pathologie en fonction de la prise ou de l'arrêt du médicament. D'accord? Et l'an dernier, il faut tenir compte, si vous voulez qualifier, il faut tenir compte des propriétés cinétiques de la médicament. Parce que c'est lui qui peut vous dire est-ce qu'il se dégrade, quel est son temps de vie, est-ce qu'il est rapidement éliminé, est-ce qu'il donne naissance à des métabolites actifs, etc. etc. Donc il faut des données cinétiques. On est bien d'accord? Donc, sur le critère biologique, vous notez donc caractériser le délai d'apparition de l'effet secondaire sa disparition ou pas après l'arrêt du traitement. Son évolution après une réadministration. Et son évolution, je parle d'évolution de l'effet secondaire, son évolution après une réadministration. C'est juste ça. On a donné une deuxième. Son évolution après une réadministration. Pour cela, il est indispensable de tenir compte des critères pharmaco-cinétiques. Pour cela, il est indispensable de tenir compte des critères pharmaco-cinétiques. Vous pouvez mettre, ne serait-ce que le temps un demi, il est important. Et un demi. Maintenant, c'est la confirmation par des examens paraclimiques. Je reviens tout à l'heure ce que disait votre camarade avant de noter. On doit se poser la question. On a un problème pulmonaire. On sait que lorsqu'on a donné au malade, ce malade médicament, le malade est venu deux jours après en disant que j'ai des difficultés respiratoires. D'accord? Bon, c'est une constatation clinique. Vous devez de la compléter par des examens complémentaires qui sont en relation avec l'étiologie. Qu'est-ce que vous allez faire? Merci. Vous allez faire un téléthorax. Un téléthorax. Tout à l'heure. Je vois pourquoi les poumons. Est-ce que on avait parlé de fumeur? Vous avez quelqu'un qui travaille dans la cimenterie, vous pouvez être en face de quelqu'un qui fait une asbestose. Donc vous ne pouvez pas savoir. Vous voyez, donc, si ses poumons sont sains, d'accord, vous allez compléter par quoi? De l'angle de l'eau. Sur le plan pulmonaire, qu'est-ce que vous allez faire? Oui. Crachat, ça doit infection. Plutôt, on est dans l'infection. Les capacités de quoi? Merci beaucoup, le père, c'est de le faire. Faire une expérience spirométrique. Donc, soit elle est organique, soit fonctionnelle. Vous essayez de voir si cette apnée n'est pas quelque chose qui est un terrain sous-jacent à une pathologie qui peut être, comme on l'a dit, soit infectieuse ou virale. Est-ce que c'est pas le cas? Si vous écartez ces paramètres, si vous avez sur le plan clinique, sur le plan paraclinique, vous avez des paramètres qui sont corrects. Là, vous pouvez aller, en pensant que c'est une infection, aller vers le crachat. Ça ne pense pas, il ne fait pas un BK. Voilà toute pathologie pneumonique, etc. Donc ça n'a rien. Essayez d'abord de vous extraire par des examens. C'est pour ça que je dis les examens. Voir vous permettre quoi? Non seulement de confirmer la pathologie, vous savez, parce que ça va en fait de pair. Et éliminer les causes. Non, confirmer la pathologie et présumer quoi? Éliminer les causes non médicamenteuses pour confirmer que c'est la maladie qu'il y a. Sinon, si vous écartez tout ce qui est non pathologique, qui n'est pas, ça ne peut être que le médicament. Les examens paracliniques ne vont que confirmer, vont être un support de votre orientation clinique. C'est pas des données qui d'orientation. Ils permettent d'appuyer votre orientation clinique. J'insiste et je redis la même chose. C'est votre orientation clinique, la pharmacovigilance, est orientée par des données cliniques. D'accord? C'est votre diagnostic, le traitement, et par la suite, vous allez, s'il y a réellement apparition, il faudrait d'abord soit l'affirmer ou l'infirmer. À ce moment-là, si vous dites que c'est ça, c'est un effet qui est lié à sa maladie. Très bien, vous écartez le côté médicamenteux. Sinon, l'inverse, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas pour dire le médicament, non, c'est l'inverse. C'est de dire que cet effet secondaire n'est en aucun cas lié à sa maladie ou au terrain. Donc ça ne peut être que le médicament. Est-ce qu'on est bien d'accord? Vous notez s'il vous plaît que les examens complémentaires. Les examens complémentaires permettent de confirmer la pathologie. Soit de donner des glycolytiques, soit que ça la dérange beaucoup, il faut changer Voilà, faire rentrer un autre hypotenseur par rapport. Mais maintenant, si vous voyez que cet hypotenseur, parce qu'on calcule toujours le risque, effet primaire sur les effets secondaires. Si vous pensez, le constatez qui est ce malade, si vous lui donnez une autre molécule, il aura plus de problèmes. Donc il vaut mieux lui donner un correcteur d'effet, donc j'ai dit un mucolytique, et le garder d'effet hypotenseur maximal. Si vous êtes, cet effet secondaire a été décrit, vous pouvez dire que je suis d'accord. Ce que là où j'ai, je ne suis pas d'accord, c'est qu'ils disent que l'absence, si vous faites une étude bibliographique et que vous ne trouvez pas, il n'y a aucune étude, aucune constatation de cet effet secondaire suite à un traitement par une molécule X. Vous n'avez pas le droit d'exclure. Vous n'avez pas le droit d'exclure, et bien, vous allez dire tout simplement que c'est probable. C'est toujours un premier cas. Vous n'avez pas le droit d'éliminer ça. Parce que si chacun s'amuse, voit en Australie, il a ouvert, il a constaté, il n'a pas notifié, ou là, en Afrique du Sud, ou en Algérie, si chacun, il y aura toujours trois cas. Si chacun les avait notifiés. Mais si chacun dit que oh, c'est vrai que c'est le malade qui est prédisposé et que l'effet n'est pas notifié, on ne pourra jamais le battre. Il faudrait, donc ce sera toujours le premier. Mais il est probable. Vous n'avez pas le droit de dire que si j'ai rien trouvé comme étude, c'est que cet effet secondaire n'est pas dû au médicament. Là, vous n'avez pas le droit. Est-ce que c'est clair ? Donc vous nous dites que les données bibliographiques, vous avez mis données diagnostiques, qui est un diagnostic, c'est ça ? Donc, B, c'est ça ? Les données bibliographiques. Vous notez, c'est un critère clinique. Ce n'est pas un critère clinique. Ce n'est pas un critère clinique. Il est basé sur l'étude des cas semblables. Il est basé sur l'étude des cas semblables dans la littérature. L'étude des cas semblables dans la littérature. L'étude des cas semblables dans la littérature. Son absence, c'est-à-dire si vous ne pouvez rien, n'exclut en rien sa responsabilité. Son absence, l'absence dans la littérature, voilà ce que c'est, en absence, si vous n'avez rien trouvé, n'exclut en rien sa responsabilité. Donc ça restera toujours probable, peut-être. D'accord ? N'exclut en rien sa responsabilité. Il restera toujours coupable jusqu'à preuve du contraire. C'est ça dans la loi. D'ailleurs, pas être innocent ou coupable jusqu'à preuve du contraire. Ça dépend sur quel banc vous êtes. Vous n'allez pas prendre ça. Pas la peine de grincer les dents. C'est tout simplement pour vous dire qu'il y a différentes écoles qui présentent différentes méthodes d'imputabilité. Les Américains, la chiffre, ils mettent 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les Européens, l'adjectif. Et j'ai mis en rouge ce qu'on va voir d'autres, c'est la technique. Vous avez le droit de dire que cet effet secondaire n'est pas du tout responsable, ou ce médicament n'est pas du tout responsable de cet effet secondaire. Mais on dit qu'il est exclu. On peut dire qu'il est douteux. Je conclue un moment. D'accord ? Il peut être plausible. C'est-à-dire, vous n'êtes pas d'accord et vous n'êtes pas convaincu. C'est entre les deux. Vous pouvez être sûr, mais pas à 80%. D'accord ? Mais vous pouvez être très sûr, très vraisemblable, et vous êtes 100%. Donc, on essaie d'adjectiver tout simplement. Pour vous donner une idée de comment ça se passe, c'est des commissions. Des commissions qui sont installées sur le plan régional et sur le plan national. Là, il n'y a pas de commission régionale, il y a une commission nationale. Qu'est-ce que c'est une commission qui est formée de membres impairs. Je pense que c'est 7 ou 9. Et on convoque des experts en fonction de l'étude de la molécule. Mais on fait appel à d'autres experts. Si c'est une molécule en cardiologie, on ramène un plus de cardiologues et on ramène des internistes. D'accord ? On ramène un gynécologue, on ramène les dermatologues. Si c'est un problème de gynécologie, eh ben on ramène un peu plus de gynécologues. Et selon la date, on peut ramener un interniste, un réanimateur, tout dépend. Donc, c'est des commissions qui dépendent de la nature de l'étude. Pourquoi j'ai dit impair ? Parce que lorsque ils vont adjectiver, et on va compter le nombre. Si la majorité est exclue, c'est-à-dire que cet effet secondaire n'a pas été provoqué par le médicament, et bien la condition est exclue. D'accord ? Pourquoi impair ? On n'a pas d'exécu. D'accord ? Deuxièmement, il n'y a pas la voix du président, parce qu'il n'y a pas de président. S'il y a 4 et 3, donc c'est la majorité. Mais si la majorité, s'il n'y a pas l'unanimité, eh bien ce dossier est transmis à une tutelle supérieure, qui est le Centre national, qui va convoquer d'autres personnes, d'autres experts, pour la valider. Vous constatez que c'est un peu ambigu. Maintenant, si cette commission au niveau du Centre national n'est pas convaincue, ne se sont pas mis d'accord, ils transmettent le dossier au ministère de la Santé, qui lui convoque d'autres experts pour encore valider. Et la décision revient à son ministère pour dire, si c'est un produit qui est propre à l'Algérie, ou là dans un pays, le ministère a le droit de dire que bon, pour éviter, on va enlever ce médicament de la nomenclature. C'est clair. Maintenant, si c'est un problème autre, c'est un problème de princesse, eh bien, la commission, le ministère, va saisir l'OMS. Et les membres vont désigner une commission à ce moment-là pour voir est-ce que d'autres pays n'ont pas le même problème pour porter un jugement sur la molécule, soit pour correction, soit pour retrait du médicament, c'est-à-dire on lui enlève l'AMM, l'autorisation du ministre. Voilà comment ça se passe. Et généralement, vous allez voir que c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas être sûr, j'ai toujours dit probable. Et quand on dit probable, ça devient toujours un adjectif, c'est pas des sens. Exactement. Ça, on va le voir ultérieurement. Là, c'est tout simplement, c'est pas pour vous. En 2013, ils étaient à 5 niveaux. Maintenant, ils sont passés à 7 niveaux. C'est-à-dire, on pose des questions précises pour avoir des réponses précises. Je terminerai par la conclusion. Pour faire la part de la différence entre un effet secondaire qu'on ne peut pas. Qui peut être inévitable d'une erreur médicale qui est évitable. Et là, vous mettez un peu plus avant la iatrogénèse médicamenteuse. Quand la iatrogénèse médicamenteuse, c'est qui ? Eh bien, ça commence par le prescripteur, ça finit par l'infirmier, et ça passe par le malade, etc. C'est-à-dire que l'erreur, je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'il a pris ou n'a pas pris ? D'accord ? Il faut que j'ai pris. Mais est-ce qu'il a pris au bon moment ? Donc, il y a une chaîne. Et là, il faut faire attention entre un effet secondaire attribuable au médicament, alors qu'un effet secondaire attribuable à une mauvaise prise. Alors, ça, c'est là. Il y a trop génie. Notez que c'est un événement. C'est un événement. Je définis ce que c'est un effet, une erreur médicale. Une erreur, il y a trop. C'est un événement, je dis bien, c'est inévitable. C'est un événement évitable qu'on peut éviter, lié au circuit du médicament, lié au circuit du médicament, susceptible de nuire au patient. Susceptible de nuire au patient. Cette erreur peut être avérée. Cette erreur peut être avérée. Cette erreur peut être avérée et provoquer un effet indésirable, grave. C'est-à-dire que je suis passé de nuisible à nocif. Cette erreur peut être avérée et provoquer un effet indésirable. Grave. Notez que c'est ceci. Ceci, c'est-à-dire cette erreur n'est pas le fait d'un individu. Cette erreur n'est pas le fait d'un individu. Cette erreur n'est pas le fait d'un individu, mais d'un dysfonctionnement. Dysfonctionnement dans l'organisation de la prise en charge, dysfonctionnement de la prise en charge médicamenteuse. Cela signifie qu'il y a un dysfonctionnement qui peut se situer à tous les niveaux. D'accord ? Il n'y a pas que le médecin, il n'y a pas que le patient, parfois il y a des intermédiaires. Ce n'est pas pour vous, je vais vous laisser ultérieurement. Regardez, je vous donne un cas de figure, on va l'analyser rapidement. C'est une dame qui arrive, qui a été traitée par des corticoïdes et des méthotrexates. À raison de 3 comprimés par jour. D'accord ? 3 comprimés par jour, cette malade est sortie pendant la neige, elle s'est fracturée dans les urgences. Pendant les urgences, on lui donne du Novatrex. Novatrex, c'est un anticoagulant. D'accord ? Ensuite, quand elle sort des urgences chirurgicales, le chirurgien note sur la fiche de malade. D'accord ? Suivre prescription du médecin traitant. Suivre prescription du médecin traitant. D'accord ? Au niveau donc de l'infirmerie, recopie la traitement sur la feuille de prescription sans demander au médecin c'était quoi ? La malade utilise un traitement. D'après vous, elle utilise quel traitement ? On la met dans un service. Et donc, elle est sortie de la chirurgie par sa maladie, et on a une altération générale qui conduit à la mort. Oui, complètement anticoagulant. Tout simplement, l'infirmier ou l'infirmière a prescrit sur la feuille, au lieu de mettre traitement initial corticoïde méthotrexate, un ami, l'anticoagulant. En donnant naturellement la dose, 3 fois par jour. Donc ça ne dit pas vraiment à une mort. Une information. Regardez, autre chose qui importe justement, que ce soit au niveau de la pharmacie ou là, au niveau de l'infirmerie. Vous lisez la phrase. Ce n'est pas de l'hébreu. Du français. Elle n'a pas bien. J'ai mangé quelques voyelles, mais c'est fait exprès. C'est écrit. Le cerveau n'a pas besoin de lire les lettres pour comprendre ce qui est écrit. Et ça, c'est visuel. Il n'a pas besoin de lire les lettres pour comprendre tout ce qui est écrit. Ça. Qu'est-ce qui se passe généralement ? Ça nous arrive tous, parfois, de croiser des gens. Non, d'accord ? Parce qu'on a la tête en l'air, on a quelque chose deux jours après, et donc c'est de la vie, ok, Kabbalahia. Mais je suis sûr que vous ne l'avez pas vu. D'accord ? Et à l'inverse, il y a des gens qui disent que je sais que vous avez acheté. Alors que parfois, vous posez la question tout le monde, ce n'est pas dans tel endroit. D'accord ? Il arrive parfois quand on prend quelque chose, même vous, quand surtout quand il s'agit de vous. D'accord ? Si vous vous rappelez, c'est une histoire. Hein, donc, c'est arrivé à un petit peu de boulot. Qui me venait ? Et c'est génial. C'est-à-dire détonateur, qui m'a fait mal. Ah, c'est quand même, j'ai rappelé. C'est ça ? Il y a des étudiants qui sont. Spécialiste donne un traitement, on va dire la CNAS, et que le médecin de CNAS refuse le traitement, on va rechercher. C'est moi le cardiologue. Il aurait pu qu'il y ait une discussion et une confiance mutuelle, et que chacun essaie de convaincre l'autre de la nécessité ou pas, d'accord, l'utilisation d'une molécule qui coûte cher. Alors on peut utiliser une molécule. Cher, tout simplement, de confidentialité, de concertation et de synergie. Qu'elle soit adaptée ou proportionnelle, comme vous voulez. Mais que ce soit dans le plus, pas dans le moins. Pas un antagonisme. Vous voyez pas ce que c'est, tableau ? Ah, c'est le soleil. Vous allez bronzer. La planche qui suit, c'est pas la peine d'adopter. Tout simplement, pour vous dire, en Algérie, la notification et la validation n'existent et obligatoire que pour les maladies sexuellement transmissibles. Donc, toutes les pathologies virales et sont une obligation. Si le médecin ne les déclare pas, il est facile de prison. Or, en France, il n'y a pas que ça. La déclaration des effets secondaires est une obligation. Si un malade se plaint au centre national, il faut que le médecin, que je lui ai déjà dit, que je lui ai laissé prendre, et bien il peut être radié pour faire. Sinon, obligation, on dernier juge. Si vous sentez que cet effet vous semble bizarre, très bizarre, vous êtes le droit, carrément, de vous. Et voilà comment ce juge a tout dans vos mains. Pour faire un extrait. Voilà. Merci beaucoup.